c'est chez nous. Hauts-de-Seine, vie malsaine, scène obscène. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine, rien que ça saigne. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine, vie malsaine, scène obscène. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine, rien que ça saigne. Je peux ressentir la violence de mes coups à travers mon écriture. Fils de pute ou à travers tes fractures. Rap sur un chicane qui laisse des points de suture. 92 au ciel, ici en tant qu'une, ma banlieue brûle, frère. Non, moi ce morceau c'est pour lui brûler. J'explique bien juste cocktail monotone, faut jurer, j'ai juré. Brûler les pistes, on surfe dans l'illicite. Hey, et la France dans la panique, c'est la crise. Les frères rêvent de crime et moi je rêve de mutiler. Un schmitt en mode crime, j'trim, j'rappe des tripes. Mon verdict. Une paste suffit pour mettre ta vie en pâte. Mes rimes arrachent les oreilles, mais j'suis pas Mac Tyson. C'est projet d'Alien, mais c'est pour ta zone. Violence urbaine, c'est le volume 3, 9, 2, haute scène. Monte le volume, c'est la 3, 3 RL pour les 3 générations. Vie en HLM pour le droit à l'intégration. Génération 80, toujours stressée. Mes frères au quotidien sont trop pressés. Oppressés par l'État qui ne pèse pas ses mots. Hey, qu'est-ce que si on baisse tout Sarko. Les quartiers s'embrassent, cause et conséquence. Mes frères t'embrasse, alors danse. Rouskov, Lakov, Kov, Kalashnikov, ambiance Mirnov, cocktail Molotov et traite les côtés dans le coffre. Rouskov, c'est pour le fou de Voltaire. Chienne, bon, serve l'illicite, mon amour, mon terre-terre. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine, vie malsaine, scène obscène. Hauts-de-Seine, Hauts-de-Seine, rien que ça saigne. La flamme dans la rétine, j'ai l'œil des mauvais jours. Les choses piétinent, rien ne change, mais l'État n'a rien fait pour. On décrète l'état d'urgence, lance un appel au calme. Politique en panne et ma banlieue est en flamme. On pointe du doigt les conséquences sans en assumer les causes. Aucune égalité des chances, il est temps de dire les choses. Amalgame en France, on cultive la peur de l'autre. Entre abandon et souffrance, la rue défie les forces de l'ordre. 30 ans de promesses, autant d'années d'ignorance. On prend les mêmes et on recommence. Dans nos peines, coupe de l'essence. Ma relève, violence urbaine, car l'espoir est éternel. Elle y est, mais la troisième, il suffit d'une étincelle. Avec un string, c'est pas mon chip, mon trip. Les sons qui est trip, l'état et les stupes. Genre CNN et Mob Deep. On est trop speed comme 92 polites. On trouve l'instru avec 192 broliques. On nique la République française. Les dealers que cessent, les juges dealers qu'on les baise. On met le feu au parquet de Nanterre. La rage au cœur, frère, j'rappe avec du poison dans les artères. Ghetto, comme les joints de béto. Les grammes d'héros, les beats et les rocks. L'équipe à Sarko, le son des halls. Le son qui fait trop mal aux radios. Que le hip-hop lève les bras, c'est un bras. Rouskov, Lakov, Kov, Kalashnikov. Ambiance Mirnov, cocktail Molotov. Et traite les côtés dans le